le pouvoir de la couleur pour enlever nos malheurs, le gris à bannir, le noir à haïr, la couleur pour guérir, pour soigner nos âmes abîmées par tant de tirs, coupables et personnes infâmes. Penser ses blessures, se poser et attendre. Demain, c'est le futur, surtout ne rien entreprendre. Aujourd'hui, quelques cendres tombent par terre. Combustion hyper lente de nos affreux locataires. Le pouvoir de la couleur pour enlever nos malheurs, le gris à bannir, le noir à haïr, la couleur pour guérir, pour soigner nos âmes abîmées par tant de tirs, coupables et personnes infâmes. Peut-être ne rien faire serait la solution. Repasser avec le fer nos désillusions. Enlever tous les plis, que tout soit plat. Malheur banni, changer le schéma. Le pouvoir de la couleur pour enlever nos malheurs, le gris à bannir, le noir à haïr, la couleur pour guérir,